Yo, vous êtes toujours et encore sur Radio Cayenne en ce lundi 20 avril 2020. J'allais dire 2016, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, moi, je vais vous lire un texte que j'ai trouvé sur Mars Info Autonome qui s'appelle Même confiné, on est là. C'est un texte de la Défense Collective Marseille. Qui revient un peu sur les gilets jaunes et comment ça continue, les gilets jaunes, malgré le confinement. Et pourquoi ? Même confiné, on est là. De la rue au tribunal, défense collective. Née du soulèvement des gilets jaunes locales, la défense collective Marseille s'est initialement organisée autour de la défense des cortèges en manifestation jusqu'à celle des manifestants interpellés et inculpés par la justice. Même confiné, on est là. La crise et le confinement que nous vivons depuis bientôt 3 semaines et pour une durée inconnue met en lumière de manière brutale les mécanismes du système capitaliste mondial. Les inégalités entre les travailleurs et les patrons qui les exploitent sont exacerbées. La liste s'allonge. Chaque jour, des témoignages de situations déjà dures avant cette crise qui deviennent critiques, que ce soit à propos des salaires, du travail, du logement, de la répression ou de l'accès à la santé. C'est la dégradation rapide et généralisée de nos conditions de vie. Les mesures prises par le gouvernement peuvent sembler confuses et contradictoires. Pour autant, une logique s'en dégage. C'est nous qui allons continuer à bosser, qui allons prendre des risques sanitaires, qui travailleront gratuitement, ou presque, qui souffriront physiquement et moralement du confinement dans nos petits apparts. Et c'est nous qui pourrons être verbalisés puis condamnés. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Le chef de l'État, relayé par les médias, nous dit que nous sommes en guerre. Et ça marche sur beaucoup de personnes qui diffusent cette idée. C'est utile que l'on y croit pour plusieurs raisons. D'abord, ça laisse entendre que le décès du Covid-19 serait des victimes civiles d'un conflit, certes regrettable, mais inévitable, sans avoir à expliquer qu'ils sont dus à la défaillance du système de santé publique organisé depuis longtemps par les gouvernements successifs, et au choix meurtrier de la rentabilité de la santé. Ensuite, l'état de guerre justifie la répression qui se dote de nouveaux moyens juridiques et techniques au fur et à mesure que progresse le confinement, comme la géolocalisation des abonnés, les plusieurs centaines de milliers d'amendes, les couvre-feux. Et enfin, comme c'est la guerre, on veut nous faire croire qu'il est évident de renoncer à des libertés ou des plaisirs. Les seules libertés encore autorisées sont celles de travailler et d'acheter. Quant au plaisir, oubliez-les, nous ne sommes pas en vacances. Et cela requiert notre mobilisation générale. Pour faire passer la pilule, l'État en appelle à l'Union nationale, qui n'est qu'un moyen de gommer les inégalités de classe en niant leur existence. La culpabilisation des travailleurs et particulièrement des plus mal lotis tend à nous faire penser que la contamination serait de leur responsabilité. Encore il y a peu, le préfet Lallement va dire que « les gens qui sont en réanimation sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement ». Tous ces discours, en plus d'être l'expression d'un mépris de classe très ordinaire, veulent nous faire taire et nous empêcher de nous rebeller tandis que les conditions d'exploitation sont exacerbées. Alors si une guerre existe, ce n'est pas celle de tous contre une maladie. C'est la guerre sociale, celle des travailleurs contre l'État. Le télétravail, exploitation à domicile. Dans ce contexte d'assignation à résidence pour tous, une partie du travail salarié se confine également. Ce procédé pourrait paraître moins oppressant, soit des horaires, pas de chef qui nous surveille, moins de tâches à effectuer. Mais les chefs ne sont pas loin et déploient de l'inventivité pour nous contrôler par le biais des outils informatiques. Par ailleurs, les télétravailleuses se retrouvent isolées de leurs collègues et donc plus vulnérables. Le télétravail est un fantastique moyen pour les patrons d'empêcher toute protestation collective sur les conditions de travail. Aujourd'hui, Le recours massif au télétravail est une phase de test intéressante car elle leur permet aussi d'économiser des frais de structure, chauffage, électricité, ordinateur, que nous payons à leur place. Si ce test s'avère positif, il est très probable que le télétravail se normalise même après le confinement. Il est temps de demander une augmentation. Associé au confinement, la vie professionnelle et la vie domestique se mêlent confusément, en appelant à l'autodiscipline de chacun chacune. La situation des parents est particulièrement contradictoire. Il faut télétravailler, faire l'école aux enfants, entretenir la maison, et tout ça en même temps et dans le même espace clos, ce qui est impossible. Le temps de rien. Pour ceux qui ne travaillent ni ne télétravaillent, il reste tout ce temps. On nous encourage à nous cultiver, à créer des liens avec nos voisins, mais pas trop non plus, à jouer avec nos enfants, mais pas dehors, comme si tout ce temps devait être mis à profit pour notre développement personnel. Mais ce même temps, même débarrassé du travail, n'a rien de libre ni d'émancipateur. Contrairement aux périodes de lutte et de grève qui nous font sortir du travail et du quotidien, et ainsi nous donnent un temps que nous choisissons de remplir par l'organisation collective et l'action. Précisément ce qui nous est interdit actuellement. Une crise et le retour à la normale. Le gouvernement cherche à nous convaincre du caractère exceptionnel de cette crise, mais les décès liés au travail ou à la misère de nos conditions de vie existaient déjà. Les morts parfaitement évitables dans les hôpitaux. Les réformes visant à faire baisser les salaires, retraites et assurances chômage aussi. La répression policière et judiciaire également. Le temps libre n'est que le temps que veut bien nous laisser notre employeur ou Pôle emploi. Le retour à la normale après la crise n'est pas enviable. Le système capitaliste se crispe à nouveau et les États ne font plus semblant d'être démocratiques mais s'affichent comme ce qu'ils n'ont cessé d'être. Des bons gestionnaires au service des plus riches. C'est nous qui allons payer pour cette crise, pour que ce système qui n'existe pas sans l'exploitation des prolétaires se maintienne. Il n'y a qu'à voir les ordonnances de l'état d'urgence sanitaire en vigueur jusqu'au 31 décembre, qui augmente le temps de travail sans augmenter les salaires, vise à maintenir les profits des entreprises et des patrons en économisant sur les salaires. Tout ça n'est que le début d'une période d'austérité qui nous mettra à genoux. Il est dans notre intérêt, hier comme aujourd'hui, de nous organiser ensemble par la solidarité et la lutte. La défense s'organise toujours à plusieurs. Nous sommes encore dans le sillage d'un an de révolte des Gilets jaunes, suivi de plusieurs mois de grèves reconductibles dans de nombreux secteurs. L'État nous contraint au confinement, mais la conflictualité est toujours présente. À l'heure où nous écrivons, nous sommes beaucoup à ne pas être dupes, et bien que privés de nos moyens de lutte, que sont les manifs, les blocages, les rassemblements et les assemblées, nous ne sommes pas impuissants. Des travailleurs qui se rendent encore chaque jour au boulot, dont les conditions de travail se sont considérablement dégradées, allongement du temps de travail, intensification des cadences, risques sanitaires, montrer qu'il est nécessaire et possible de se défendre. Il y a eu des débrayages, des droits de retrait collectif, des appels à grève lancés dans certains secteurs, livreurs, la poste, grève générale du 25 mars en Italie, appel grève fonction publique. En pratique, pour ceux qui travaillent encore, il existe le droit de retrait. En revanche, les employeurs mettent la pression pour qu'il n'ait pas lieu. Le faire appliquer impliquera un rapport de force avec l'employeur. Pour plus de chances de succès, discutez-en avec vos collègues et utilisez ce droit collectivement. Pour les travailleurs isolés, contraints de travailler chez eux, si les luttes sont difficiles à organiser. En pratique, les excuses ne manquent pas. Pas d'ordi à la maison, panne d'ordi, panne de réseau, panne de box, panne de clavier, écran cassé, etc. On peut aussi s'organiser avec ses camarades de travail pour saturer les réseaux, prévoir une heure précise où l'on télécharge de volumineuses bases de données pour faire bugger le réseau. Il doit exister mille et une façons de faire bugger les serveurs. Depuis le début du confinement, plusieurs centaines de milliers d'amendes ont été dressées. Lors du contrôle, il est difficile de se défendre. En pratique, il est possible de le faire après, en contestant vos amendes. Pour les locataires, un appel à la grève des loyers a été lancé, et ce, dans plusieurs pays. Concrètement, le chômage partiel est en soi une perte de salaire pour des millions de travailleurs. Concernant les allocations CAF, les délais interminables de traitement et les difficultés d'accès aux aides étaient déjà la norme avant la crise. Sans parler des travailleurs non déclarés qui sont totalement privés de revenus. En pratique, ne pas payer nos loyers du mois d'avril par solidarité ou par nécessité, s'il faut choisir entre ça et manger. Si le confinement rend encore plus difficile l'organisation des travailleurs, en pratique, on peut accrocher des banderoles que ce soit sur la gestion de la crise ou la gestion du pays par le gouvernement. Les motifs de mécontentement ne manquent pas. Rompez l'isolement, balancez vos banderoles au balcon. Organisons des assemblées générales de vis-à-vis. On rêve tous d'avoir un logement sans vis-à-vis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on ouvre nos fenêtres, on a toujours quelqu'un en face. Profitons de ce confinement pour briser la glace, discuter, échanger nos avis sur la situation et surtout organiser de la révolte. Même confiné, on est là, on est là. Défense collective Marseille, 6 avril 2020. Et voilà pour ce texte qui était fort bien, fort bien. Et maintenant, je vais vous passer une chanson de René Binamé avant de reprendre le micro pour un deuxième texte. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'apicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donc donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie. On nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernements, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire.